بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence maintenant le cours numéro 80 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid, expliqué par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan dans son Sharh Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala. Et là où on est rendu maintenant, c'est l'explication ou la suite de l'explication du hadith. Man allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah. Wa man wada'a wad'atan fala wada'a Allahu lah. Donc on a expliqué, on a commencé à expliquer ces hadiths dans les cours précédents. Et on va terminer, donc continuer cette explication. Le Cheikh, il dit, قَوْلُهُ Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, حَفِظَهُ rahimahullah, il dit, قَوْلُهُ فَلَا أَتَمَ اللَّهُ لَهُ دُعَاءٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فَلَا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ أَيْ لَا يَجْعَلُهُ فِي دَعَةٍ وَسُكُونَ يعني وَقَوْلُهُ. Donc ici, c'est ça. L'explication du hadith, celui qui accroche une amulette alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui complète pas ce qu'il a voulu dans ses affaires. Et l'autre partie du hadith, فَلَا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ يعني celui qui accroche une amulette ou un talisman ou un gris-gris ou un pas de bonheur ou peu importe, yani, il dit فَلَا وَضَعَ اللَّهُ لَهُ, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas de repos ni de tranquillité. Donc c'est un doua contre celui qui fait qui porte ce genre de choses ou d'objets. Et le cheikh, il explique ensuite le hadith suivant qu'on avait lu au début de ce chapitre. Donc juste pour faire le point par rapport à tout ce qu'on a expliqué jusqu'à date par rapport à ce chapitre qui est le chapitre au sujet des yani tamaim, on parle des tamaim, on parle de al-halaqa wal-khayt yani. Donc le cheikh, jusqu'à date on a lu l'explication du verset 38 dans Surat Az-Zumar, ensuite le hadith de Imran ibn Hussein, ensuite le hadith de Uqba ibn Amir, celui qu'on vient d'expliquer, puis la narration également, l'autre narration également, dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une amulette, que Allah, il a fait le shirk, فَقَدْ أَشْرَكْ. Maintenant, on lit le dernier hadith. C'est une narration. En fait, c'est une narration ou une parole d'un sahabi. Donc, c'est un athar. Athar d'un sahabi. C'est Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Et dans cet athar, il dit, أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَّ فَقَطَعَهُ وَتَلَى قَوْلَهُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. C'est-à-dire qu'il a vu un homme avec une corde dans sa main qu'il portait dans le but de se protéger contre ou de se guérir de la fièvre ou quelque chose comme ça. Et il l'a coupé. Il a coupé cette corde et il a dit, il a cité le verset 106 dans Surat Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est-à-dire la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en état des mushrikoun, qu'en état des idolâtres, en réalité des gens qui font du shirk. Donc ils croient en Allah, c'est-à-dire ils croient en son existence et en sa rububiyya, mais ils sont des mushrikoun parce qu'ils lui donnent des associés, des partenaires dans l'adoration. Donc c'est ça que le cheikh a cité comme citation ici. Et il dit donc قَوْلُهُ وَلِبْنِ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à ce hadith-là, ou à cette citation-là, cet athar. On va lire son commentaire. Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي جليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد تعلق تميمة، يعني علقها على جسمه، فقطعها حذيفة رضي الله عنه. فهذا فيه إنكار المنكر باليد لمن يقدر على ذلك، أما من لا يقدر على إنكار المنكر باليد فإنه ينكره بلسانه بأن يبين وينصح ويحذر ويعظ الناس ويذكرهم ويذكرهم ويبين لهم، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه بأن يكره وينابذ ويبتعد عن أهل الشر ويبغض عملهم ويبغضهم ولا يجتمع معهم إلا مناصحا ومحذرا. هذه مسألة. Donc ici le premier point que le cheikh il clarifie par rapport à ce hadith là ou à cette citation, à cet athar de Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il dit premièrement que c'est un noble compagnon, celui qui détenait le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'identité des hypocrites. Et il dit qu'il a vu un homme qui avait accroché une amulette, hein, il avait accroché quelque chose sur son corps, hein, et il l'a coupé. Hudayfa radiyallahu anhu, quand il a vu ça sur la personne, il lui a coupé, et il a fait ça dans le but de condamner le mal, de changer le mal avec la main. Et ça, c'est bien entendu pour celui qui a la capacité de le faire. Tandis que celui qui n'est pas capable de changer le mal par sa main, alors il le fait par sa langue. Il change le mal par sa langue et il clarifie et il donne la nasiha et il avertit, il met en garde, il exhorte les gens, il leur rappelle, il leur clarifie, il leur explique les choses. S'il n'est pas capable de le changer même par sa langue, alors à ce moment-là, le minimum, c'est qu'il le déteste par son cœur. Et qu'il repousse cette chose, et qu'il s'éloigne des gens qui font cette chose, et qu'il déteste leur action, et qu'il soit fâché contre cette action-là. Et également, qu'il ne se réunisse pas avec ceux qui le font, cette chose, excepté dans le but de leur donner le bon conseil sincère et de les avertir du danger de cette chose-là. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il dit le cheikh, المسألة الثانية في الحديث الاستدلال بأن هذا شرك بالآية الكريمة وما يؤمن أكثرهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فجعل رضي الله عنه تعلق التمائم من الشرك مثل ما دل عليه الحديث السابق: من تعلق تميمة فقد أشرك. فالآية تدل على هذا الشرك قد يكون أكبر إذا اعتقد أنها تنفع أو تضر بنفسها، أو يكون أصغر إذا اعتقد أن الضار والنافع هو الله وهي سبب، لأنه جعل ما ليس سببا جعله سببا فيكون من الشرك الأصغر. وفيه ما قال العلماء أن الصحابة قد يستدلون في الآية النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأنه كله شرك، مثل ما استدل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: هو قول الرجل لولا الله وأنت ولولا كذا وكذا. واستدل بالآية على الشرك الأصغر لأن الشرك الأصغر داخل في مدلول الآية في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا. الشرك الأصغر من اتخاذ الند لله عز وجل وإن كان أصغر. وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء: هل يجتمع الإيمان والشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وممن أشكلت عليه شيخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره. والآية لا إشكال فيها في الحقيقة، لأنها نازلة في عباد الأصنام الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية. وعلى هذا جميع المشركين من العرب عندهم إيمان بالله، لكنه مخلوط بالشرك، فالآية ليس فيها إشكال والحمد لله. Donc ici le cheikh il explique comme deuxième point par rapport à cet athar, le fait que le sahabi Hudhayfa radiyallahu anhu, il a utilisé ce verset qui est le verset 106 dans sourate Yusuf comme preuve, comme preuve pour établir que le porter des talismans c'est du shirk. D'accord ? Puisque le verset il dit et la plupart d'entre eux ne croient en Allah que alors qu'ils sont des mushrikoun. La plupart d'entre eux ne croient en Allah que lorsqu'ils en réalité ils sont des mushrikoun. Et donc ça c'est la preuve que de porter des talismans et des amulettes, que ça rentre dans le shirk. Et aussi par rapport au hadith précédent qu'on a expliqué, qui disait que celui qui accroche une amulette, il a fait le shirk. Donc le verset indique que ça fait partie du shirk, et ça peut faire partie du shirk majeur, comme ça peut faire partie du shirk mineur, selon la croyance de la personne. Si elle pense que cet objet ou ce porte-bonheur ou cette amulette a le pouvoir de profiter ou de nuire par elle-même, alors à ce moment-là, c'est une forme de shirk majeur. Et si la personne, elle croit que celui qui peut profiter et nuire, c'est uniquement Allah, sauf que cette amulette est une cause ou un moyen que Allah a créé, alors à ce moment-là, ce sera une forme de shirk mineur, parce qu'il en a fait un moyen, alors que ce n'est pas un moyen qui est légiféré. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont expliqué que les sahaba, parfois, ils pouvaient ramener comme argument pour quelque chose qui est un shirk mineur, ils rapportaient un verset qui parlait du shirk majeur pour le réfuter. C'est-à-dire qu'ils mentionnent un verset qui parle de l'adoration des idoles pour réfuter un shirk mineur. Parce que de toute façon, c'est du shirk. Le shirk, c'est shirk. Que ce soit shirk majeur ou shirk mineur, les deux sont du shirk. C'est sûr que le shirk majeur et le shirk mineur, ils n'ont pas le même degré de gravité, mais n'empêche que les deux sont quand même très graves. Et parmi les exemples à ce sujet-là, justement, que le cheikh a mentionné, c'est l'argument de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsqu'il a cité le verset « فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا » Hein? Ne donnez pas à Allah des égaux ou des seigneurs. Hein? Ne mettez pas des seigneurs ou des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a donné comme exemple que c'était la personne qui disait « Si ce n'était que d'Allah et de toi. Si ce n'était que d'Allah et de toi, par exemple. » Donc ça, c'est des exemples de shirk mineur que les gens font, par exemple, dans leurs paroles, lorsqu'ils s'expriment incorrectement, au lieu de dire si ce n'était que d'Allah seul, ou bien de dire si ce n'était que d'Allah et puis ensuite de toi. À ce moment-là, on voit clairement la distinction entre les deux, mais le fait de mettre une égalité entre les deux, comme de dire si ce n'était que d'Allah et de toi, comme si tu mettais Allah et une de ses créatures à égalité, à ce moment-là, ça fait partie du shirk mineur. Ça fait partie du shirk mineur. Mais malgré ça, il a, Abdullah ibn Abbas, il a cité ce verset, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Il l'a utilisé comme preuve pour interdire ce genre de choses. Alors que le verset est révélé à propos de ceux qui adorent des idoles parmi les mushrikines. Donc, le cheikh, il a expliqué que c'est permis d'utiliser des versets sur le shirk majeur pour interdire le shirk mineur. Donc, c'est ça l'argument ici que le cheikh essaie de clarifier. Donc ça, c'est un point important. Puis en ce qui concerne la question de dire لولا الله ثم أنت لولا الله و ما شاء الله وشئت ou des choses comme ça, il y a un chapitre dans Kitab al-Tawhid qui est consacré à ce sujet-là de façon exclusive, donc c'est-à-dire spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui va parler de ça en particulier. Donc, c'est pas nécessaire de détailler tout ça, les détails à propos de cette question, d'en parler en détail maintenant, puisque de toute façon, on va y revenir dans les chapitres suivants. Inch'Allah. Donc, ensuite, le cheikh, il explique donc que le shirk majeur, ça veut dire par rapport au verset, ne prenez pas des égaux ou des seigneurs avec Allah alors que vous savez. Ça prouve que même si yani, l'exemple que Abdullah ibn Abbas voulait mentionner, c'était à propos d'un shirk mineur, il a utilisé un verset à propos du shirk majeur et il a expliqué que le shirk mineur, yani, il dit ash-shirk al-asghar min ittikhadh an-nidd lillah, que ça rentre dans le fait de donner à Allah des égaux. Même le shirk mineur fait partie de donner à Allah des égaux, même si c'est un shirk mineur. Et le cheikh, il dit que le verset 106 dans Surat Yusuf a été, disons, une source de... c'est-à-dire, certains savants ont eu de difficulté avec ce verset-là dans la compréhension. Et certains ont dit, par exemple, comme ils ont exprimé, par exemple, leur... ils ont expliqué le problème qu'ils avaient par rapport à comprendre ce verset-là, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ces gens-là croient alors qu'ils sont des mushrikoun. Ils croient en Allah alors qu'ils sont des mushrikoun. Donc, la question de ces savants, la question que certains de ces savants-là ont posée, c'était, est-ce que c'est possible que quelqu'un réunisse en même temps la foi et le shirk? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut en même temps avoir la foi et en même temps avoir du shirk? Parce que le verset dit « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » C'est-à-dire, la plupart d'entre eux ne croient en Allah, excepté qu'ils sont des mushrikoun. Et quand tu regardes ça, le cheikh, il explique, il dit, parmi les mashaykhs qui ont trouvé un problème à comprendre ce verset-là, il y a le cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, rahimahullah, dans son tafsir Adwa al-Bayan. Et il a mentionné justement par rapport à ce verset-là, yani, comme s'il avait un problème dans sa compréhension par rapport à ce verset-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit en réalité, parce que le cheikh Al-Fawzan, il fait partie de ses élèves, hein, il fait partie des élèves du cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, il a étudié avec lui. Donc il dit en réalité, le verset en question, il n'y a aucun problème dans sa compréhension. Hein? En réalité, il n'y a aucun problème dans sa compréhension. Pourquoi? Parce qu'il a été révélé à propos des idolâtres qui adorent des idoles. Et donc, ceux qui adorent Allah et qui adorent d'autres avec lui, hein, ils croient en Tawhid al-Rububiyya. Ils croient en l'unicité d'Allah dans la seigneurie et le fait que Allah c'est le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle l'univers. Ils croient en ça, mais en même temps ils font du shirk. Comme l'exemple des mushrikin parmi les Arabes, hein, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils croyaient en l'unicité d'Allah dans le sens qu'ils croyaient en sa rububiyya. C'est-à-dire, ils croyaient qu'il y avait un seul Dieu qui a tout créé, qui est tout puissant, qui a le pouvoir sur tout, qui fait vivre, qui fait mourir, qui donne la subsistance. Sauf que c'est pas suffisant ça pour être un muwahhid, pour être considéré comme un monothéiste dans le sens islamique du monothéisme. Puisque ces gens-là adoraient d'autres choses avec Allah, ils ont été considérés comme étant des mushrikins. D'accord? Être mushrik, ça ne veut pas dire que tu crois qu'il y a plusieurs créateurs, plusieurs maîtres de l'univers en même temps. Non. ça veut dire seulement que tu as cru qu'il y a un Dieu unique, mais en même temps, tu pries à d'autres que Allah, tu demandes à d'autres que Allah, tu te prosternes à d'autres que Allah, tu invoques d'autres que Allah, et ainsi de suite. Tu offres ton adoration à d'autres que Allah, ça fait de toi un mushrik, même si tu crois que Allah est unique. Hein? Comme par exemple, il y en a des juifs, il y en a des chrétiens, ils disent, Allah est unique, il y a juste un Dieu. Mais quand ils prient à Jésus, ils prient à Marie, ils prient à des saints, ils prient à des tombes, ils prient à des morts, hein? Et ainsi de suite. Donc ça fait d'eux des mushrikines, malgré qu'ils croient que Dieu est unique, hein? Malgré qu'ils croient qu'il y a un seul créateur. D'accord? Donc ça, c'est important de le comprendre. Et c'est ça que ce verset-là signifie en réalité. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux ne croient en Allah, hein? La plupart d'entre eux ne croient en Allah et en sa rububiyya, excepté qu'ils font le shirk dans al-uluhiyya, dans l'adoration, ils font le shirk. Malgré qu'ils croient en Allah, hein, dans sa rububiyya, dans le sens que c'est lui le créateur et le maître de tout. Donc ils se contredisent, ces gens-là. C'est ça que le verset signifie. Hein? Et c'est ça la réalité de la compréhension de ce verset. Donc, quand on comprend comme il faut cet aspect-là, on voit qu'il n'y a aucun problème avec ce verset et il n'y a aucune difficulté à le comprendre. Alhamdulillah. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue dans son charh à propos de cette narration de Hudayfa qui est rapportée selon Ibn Abi Hatim. Et il dit... Ibn Abi Hatim huwa al-imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Muhammad ibn Idris al-Muradi al-Tamimi al-Hanzali al-Hafiz sahib al-Jarh wa al-Ta'dil wa al-Tafsir wa ghayrihima mat sanata 27 wa 300 wa Hudhayfa huwa yani ibn al-Yaman wa ism al-Yaman حسيل بمهملتين مصغر ويقال حسل بكسر ثم سكون الأبسي الموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين يقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين قوله رأى رجلا bon, on va expliquer ça après. Ici, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il parle de Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, c'est un des... Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Abi Hatim, c'est un des grands imams parmi les imams des salafs. C'est un des deux razi. Al-raziyan. Donc, lui, c'est un des deux razis. Le premier, c'est Abu Zur'a. Hein? Ou bien plutôt, c'est son fils, Abu Hatim et Abu Zur'a. Al-Razi. Et donc, lui, c'est son fils, Ibn Abi Hatim. Ibn Abi Hatim, si je ne me trompe pas, c'est son fils, Al-Razi. Et il dit que, ici, Ibn Abi Hatim, c'est un... imam, un grand imam, Abdurrahman ibn Abi Hatim, son nom c'est Muhammad ibn Idris. Non, plutôt c'est ça, c'est son père. Abdurrahman, son nom, il est le fils de Abu Hatim. Abu Hatim, son nom c'est Muhammad ibn Idris, al-Muradi, al-Tamimi, al-Hanzali. C'est lui qui avait écrit al-Jarh wa al-Ta'dil, le livre. Le grand encyclopédie de Jarh wa Ta'dil, dans lequel il fait la critique des rapporteurs et des narrateurs de hadith. Et il a un tafsir également, Ibn Abi Hatim. Donc il dit qu'il est mort en l'an 327 de la Hijra, Ibn Abi Hatim. Et il dit, Hudayfa, c'était un des nobles compagnons, parmi les grands des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Son nom, c'est Hudayfa. Son père, c'est Al-Yaman. Son nom, c'est Husayl. Donc, Hudayfa, le fils de Al-Yaman. Son nom c'était Husayl. Et on dit aussi Hesl. Heslun, yani al-Absi. C'était l'allié de yani des Ansar. Parmi les alliés des Ansar. Donc c'est un parmi les premiers qui ont accepté l'islam et c'était lui à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié le secret du nom des hypocrites à son époque. Et donc ici le cheikh Al-Fawzan il fait un petit commentaire par rapport à Hudhayfa. Il dit يعني هو نسبه نسبه من بني عبس. Donc c'est pour ça qu'il a un lien avec la tribu de Abs. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Absi. Il dit walakin kana halifan lil ansar wal hilf ma'nahu fil jahiliya ya'ti ar-rajul fayanzilu ma'a al-qabila wa yuhalifuha fayakunu ka'annahu minha fahuwa minha fil hilf lakinnahu laysa minha fil nasab. Donc le cheikh explique qu'il était allié avec la tribu des Ansar. Et on dit donc en arabe halif. Halif, donc ça vient du mot al-halif, qui veut dire en fait, dans la jahiliya, une personne pouvait par exemple venir vivre, il venait vivre avec une tribu. Lorsqu'il s'installait parmi cette tribu-là, il devenait comme un allié de cette tribu, même s'il n'en fait pas partie, mais on le traitait comme s'il était de la tribu. Et donc, il était donc un allié des Ansar. De cette façon-là. Ensuite, le cheikh, il explique que Naam, il était donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il possédait le secret du nom des hypocrites. Et le cheikh, il dit Ay, sirr al-rasul sallallahu alayhi wa sallam li'anna al-rasul sallallahu alayhi wa sallam kana yufdi ilayhi bi sirrihi. وهذا من فضائله أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمانته العظيمة وأنه لا يبوح بسر الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ici on dit que يعني un de ses mérites, parmi les mérites qu'il avait ce compagnon, c'est que le prophète صلى الله عليه وسلم lui avait confié le nom des hypocrites. Donc il avait le secret du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est parce qu'il était une personne d'une grande honnêteté, d'une grande fiabilité et qu'il dévoilait pas les secrets du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et le cheikh dans son charh de Fath al-Majid, il a réfuté justement aussi ceux qui prétendent que parmi les soufis, hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des secrets, ou que certains compagnons avaient des connaissances secrètes dans la religion. Or, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien gardé de secret de la religion. Il a tout expliqué, yani, la religion, et il a révélé, transmis tout ce que Allah lui avait révélé. Naam. Donc, tout ce que Allah lui a révélé, tout ce que Allah a révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis. Il n'a rien caché. Et l'exemple ici de Hudhayfa, les secrets qu'il a mentionnés à Hudhayfa, c'était par rapport au nom des munafiqin, hein, et non pas à propos de la religion ou des enseignements de l'islam. Donc pourquoi? Parce que il y a parmi les soufis, il y a certains qui prétendent que leurs cheikhs, ils ont des secrets de la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement transmis à eux, hein, avec une chaîne qu'ils prétendent avoir jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaîne de transmission. Bien entendu, tout ça c'est faux et leur chaîne elle est munqati', elle est coupée à plusieurs endroits dans la chaîne. Donc ils n'ont aucune authenticité dans ce qu'ils prétendent. Donc ensuite de ça, le cheikh il continue, il dit Naam wa abuhu aydan sahabi. Donc le père de Hudhayfa était un sahabi lui aussi. Et il est décédé en l'an يعني لا الزي سنة ست وثلاثين مات حذيفة في أول خلافة علي. دونك علي حذيفة il est mort au début du khilafa de Ali dans en l'an 36, en l'an 36 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans le hadith qawluhu ra'a rajulan يعني في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Donc ici le Cheikh عبد الرحمن بن حسن il explique donc cet athar qu'on a lu que Hudhayfa a vu donc cet homme avec ce bracelet ou bien cette corde dans son bras. Et il disait qu'il portait ça pour se protéger ou pour se guérir de la maladie ou des morsures d'animaux ou bien de la fièvre. Et des morsures d'araignées ou de serpents ou des choses comme ça. À la kulli hal, Hudhayfa, quand il a vu ça, tout de suite il l'a coupé. Il lui a coupé parce que c'est du shirk. Et il a cité le verset 106 dans Surat Yusuf qui indique justement que la plupart des gens, ils disent qu'ils croient en Allah alors qu'ils sont des mushrikoun. Ils ne croient en Allah qu'en réalité en étant des mushrikoun parce que ils croient en Allah dans le sens qu'ils croient en la rububiyya, que Allah est le créateur. Sauf qu'ils associent avec Allah dans l'adoration. Lorsqu'ils font leur prière, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils prennent des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Donc ça c'est du shirk. Et ceux qui portent des porte-bonheur ou des amulettes ou des talismans ou des gris-gris ou des trucs comme ça, eh bien ça rentre également dans le fait de yani prendre des partenaires avec Allah et dans le fait d'adorer d'autres que Allah et de mettre sa confiance en autre que Allah et de chercher la protection en autre que Allah. Et en pensant, dans le fait de penser que quelqu'un peut te profiter ou te nuire en dehors d'Allah, ou quelque chose peut te profiter ou te nuire en dehors d'Allah, tout ça rentre dans le shirk. Donc, ici, le sahabi, il a mentionné ce verset justement comme référence, comme preuve à ce sujet. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit « Al-Humma » يعني هي الحرارة التي تسري في الجسم وهي نوع من المرض. Donc il portait cette corde dans son poignet ou sur son corps pour se guérir de la fièvre ou de ce qui cause la fièvre. C'est-à-dire la température du corps qui augmente, comme on le sait lorsqu'on est malade, on a la fièvre. Donc c'est ça, c'est un exemple de certaines choses pour lesquelles les gens portaient ce genre de bracelet-là à l'époque. Le Cheikh il dit ensuite وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا شِرْكٌ. Il y a la preuve que le fait de porter ce genre de porte-bonheur ou ce genre d'amulette ou de corde ou autre, que ça fait partie de ce qui rentre dans le shirk. Et Cheikh Al-Fawzan il dit دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ تَعَلُّقَ الْخَيْطِ شِرْكٌ لِأَنَّ حُذَيْفَ اسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ على منع ذلك وقطعه. Donc c'est la preuve que de porter ce genre de corde avec cette intention là, c'est clair que c'est du shirk, parce que Hudhayfa il s'est basé sur le verset qui mentionne justement que c'est du shirk pour l'interdire et pour le couper. Ensuite le Cheikh Abd Rahman ibn Hassan il dit wa anna as-sahaba radiyallahu anhum yastadilluna bil ayat التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا ولما قد لما قد عرفت أنه ينافي كمال التوحيد كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا وقد خافه على أصحابه كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أو فكيف يأمن أن يقع ما هو أعظم منه، ولكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشرك العرب وغيرهم في الجاهلية، مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض. نعم، donc ici le cheikh il explique un point bien important. On va lire donc ici qu'est-ce qu'il a expliqué. Il dit que les Sahaba, ils utilisent les versets qui parlent du shirk majeur et ils les appliquent à ce qui est un shirk mineur. Ou bien ils les mentionnent comme argument contre le shirk mineur aussi. Pourquoi? Parce que les deux rentrent dans ce qui est interdit, puisque c'est du shirk de toute façon. Et ça rentre dans le sens général, donc des versets et des hadiths qui parlent du shirk. Hein? Même si c'est à propos du shirk majeur, ça concerne le shirk mineur également. Et il dit, et également à cause de ce que tu as su également par rapport au fait que le shirk mineur, il vient diminuer la perfection de la pureté de la du tawhid, de la sincérité. Donc, si c'était le cas de ça, par exemple, de ce genre de pratique, yani, qui était pratiquée par, qui avait été fait par certaines personnes à cette époque-là, alors que il vivait avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou il vivait même avec les compagnons ou avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même eu peur pour ses compagnons par rapport à des choses de ce genre, comme le shirk mineur. Il l'a mentionné dans le hadith qu'on a lu déjà dans les chapitres précédents, quand il a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. » Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de ça pour ses compagnons et pour les musulmans, hein, donc si ces choses-là peuvent arriver dans les meilleurs des siècles de l'islam, comment les gens qui viennent après ne pourraient pas tomber dedans, ou comment n'auraient-ils pas peur eux aussi de tomber dans ce genre de choses, ou même dans ce qui est plus grave encore? Donc comment pourraient-ils se sentir en sécurité de tomber dans qu'est-ce qui est plus dangereux encore que le shirk mineur? Et donc il dit le shirk à cause de la grande ignorance qui est propagée parmi les musulmans. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tombés dans des formes de shirk qui sont beaucoup plus graves que certains d'entre les mushrikines parmi les arabes de l'époque de la jahiliya pouvaient commettre. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires par rapport à ces passages-là. Il dit « لأن الشرك الأصغر يشمل لفظ الشرك فنحن منهيون عن الشرك الأصغر والأكبر ولا إله إلا الله تنفي الشرك الأكبر والشرك الأصغر ولكن الشرك الأكبر يناقض لا إله إلا الله والشرك الأصغر ينقصها. » Donc ici le cheikh explique que les deux formes de shirk sont compris dans le terme shirk, que ce soit majeur ou mineur, les deux sont interdits. La différence, c'est que la ilaha illallah, il oppose le shirk majeur et le shirk mineur. Sauf que le shirk majeur, il détruit complètement la ilaha illallah. Tandis que le shirk mineur, il le diminue seulement. Il l'affaiblit, mais il ne le détruit pas au complet. D'accord? C'est pour ça que celui qui fait un shirk majeur, il n'a plus de foi. Il va en enfer pour l'éternité. Tandis que celui qui fait le shirk mineur, il reste musulman. Hein? Il reste musulman, sauf que sa foi diminue. Et le cheikh explique ensuite que, il dit, par rapport au fait que le fait de faire un shirk mineur, ça vient avec ce qui diminue la perfection du tawhid et de la sincérité envers Allah. شيخ الفوزان يقول الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد, أما الشرك الأكبر فإنه ينافي التوحيد بالكلية. Donc c'est ça la différence entre le shirk majeur et le shirk mineur. C'est le shirk mineur, il vient diminuer la perfection du tawhid. Tandis que le shirk majeur, il détruit le tawhid au complet, en entier. Ensuite, par rapport au point suivant, le fait que yani, les gens d'aujourd'hui, peut-être que parfois ils vont commettre des actes de shirk pire que ceux que faisaient les Arabes de la Jahiliya. Cheikh Al-Fawzan dit à ce sujet-là, لَمَّا أَهْمَلُوا تَعَلُّمَ التَّوْحِيدُ وَتَعَلُّمَ الشِّرْكِ وَمَعْرِفَةَ الْمُرَادِ مِنَ التَّوْحِيدُ وَالْمُرَادِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْتَفَتُوا إِلَى تَعَلُّمِ عِلْمِ الْكَلَامِ وَقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِ وَبَنَوْا عَقَائِدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَانْشَغَلُوا بِإِثْبَاتِ وُجُودِ اللَّهِ وَهَذَا الَّذِي يُدَنْدِنُونَ حَوْلَهُ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيَحْتَاجُ إِلَى أَدِلَّةٍ على إثبات وجود الله كل عقائدهم مبنية على هذا وهذا تحصيل حاصل لأن موجود لأنه موجود في الفطر والعقول وشواهد الكون والمخلوقات كلها تدل على الخالق سبحانه وتعالى ولم يعيروا اهتماما بتوحيد الألوهية أبدا ولا يأتي لهم على ذكر ولا على بال فهذا هو الجهل العظيم من العلماء يظنون أنهم علماء وهم يجهلون توحيد الألوهية الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب فإذا كان العلماء يجهلون فكيف بغيرهم ممن هو دونهم فكيف لا يجهلون فلا بد من نشر التوحيد وتعليمه وتعلمه والدعوة إليه دائما وأبدا العجيب أن دعاة التوحيد خاملون وساكتون ودعاة الشرك جادون الليل والنهار وينفقون الأموال ولا ييأسون ولا يتعبون. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique que yani, les gens, lorsqu'ils ont négligé l'enseignement du tawhid et l'apprentissage, l'enseignement du shirk et la réalité du tawhid et du shirk, et la connaissance de qu'est-ce qui est voulu par le tawhid et qu'est-ce qui est voulu par le shirk, et que les gens se sont tournés vers les sciences, de soi-disant la philosophie, et la théologie spéculative basée sur la raison ou la philosophie, ils ont basé leur croyance sur ça. Ils ont basé leur croyance sur ces choses-là et se sont concentrés sur une chose parmi les choses de la croyance. Et c'est quoi cette chose? Le fait d'affirmer l'existence de Dieu. Et ils ont pris ce point-là comme si c'était le point central dans la croyance. Et comme si c'était ça le but pour lequel Allah avait envoyé ses messagers et fait descendre ses livres. Et donc, il se concentre uniquement sur ça. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 10, surat Ibrahim, Afillahi shakkun, fatiru samawati wal ard. Y a-t-il à propos d'Allah un doute, alors que c'est lui le créateur des cieux et de la terre? Donc, le cheikh dit, est-ce qu'on a besoin donc de preuves pour affirmer l'existence d'Allah, alors que, en réalité, c'est quelque chose qui est déjà présent dans notre âme, dans notre nature saine et profonde, on reconnaît cette chose-là en soi-même. Et même dans les preuves rationnelles qui sont claires à ce sujet-là, donc le cheikh dit, toute leur croyance à ces gens-là, les gens de Bid'a comme les Asha'ira, et les Maturidiya, et les Jahmiya, et les Asha'ira, et les Mu'tazila, ils se concentrent juste sur ça, l'affirmation de l'existence de Dieu. Et il dit, alors que c'est quelque chose qui est déjà établi, clair, yani, et il ne parle jamais du Tawhid dans l'adoration, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration, et que l'adoration est son droit exclusif. Donc, il dit, ces gens-là, ils ignorent complètement le tawhid dans l'adoration, alors que c'est le tawhid pour lequel les messagers ont été envoyés et les livres ont été révélés. Donc, il dit, si dans ce cas-là, certes, ces gens-là qui sont considérés par les musulmans, beaucoup d'entre eux sont considérés comme étant des savants parmi les musulmans, et la seule chose sur laquelle ils se concentrent, c'est d'affirmer l'existence de Dieu, hein, et sur la philosophie, alors, si c'est le cas de ces gens-là qui ne connaissent même pas la réalité de Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans son droit à l'adoration exclusive, alors que dire des autres qui ne sont même pas des savants, hein? Alors, eux sont encore plus loin dans la compréhension de ces choses-là. Et c'est pour ça que le cheikh, il dit, c'est pour ça que c'est nécessaire d'expliquer, de propager et d'enseigner le tawhid aux gens, et de leur enseigner et de les inviter à ça constamment. Et il dit, qu'est-ce qui est étonnant à notre époque, il dit, c'est que les gens qui prêchent au tawhid, ils sont paresseux et ils se taisent, et tandis que les gens qui appellent au shirk, ils sont très motivés, ils font beaucoup d'efforts jour et nuit, et ils dépensent de leur argent pour ça, et ils ne perdent jamais l'espoir, ils se fatiguent pas. Tandis que les gens qui sont sur le tawhid, qui sont sur la sunna et qui ont la connaissance, eh bien, ils font pas tout cet effort-là qu'ils devraient faire pour justement propager la vérité et faire connaître aux gens la réalité de l'islam. Donc ça, c'est un point important. Donc moi, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la suite de ce point, Inch'Allah, au prochain cours, bi'iznillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah.